Comme je te disais, mon vieux, nous sommes manche à manche. Jouons la belle. Veux-tu jouer la belle, voyons, au plus fin. Pourquoi, se dit Hulot en se parlant à lui-même, sur 10 belles femmes, y en a-t-il au moins 7 de perverses? Le baron était trop en désarroi pour trouver la solution de ce problème. La beauté, c'est le plus grand des pouvoirs humains. Tout pouvoir sans contrepoids, sans entrave, autocratique, mène à l'abus, à la folie. L'arbitraire, c'est la démence du pouvoir. Chez la femme, l'arbitraire, c'est la fantaisie. Tu n'as pas à te plaindre, mon cher confrère. Tu as la plus belle des femmes, et elle est vertueuse. Je mérite mon sort, se dit Hulot. J'ai méconnu ma femme, je la fais souffrir, et c'est un ange. Oh, ma pauvre Adeline, tu es bien vengée. Elle souffre, seule, en silence. Elle est digne d'adoration. Elle mérite mon amour, je devrais, car elle est admirable encore, blanche et redevenue jeune fille. Mais a-t-on jamais vu femme plus ignoble, plus infâme, plus scélérate que cette Valérie? C'est une vaurienne, dit Crevel, une coquine à fouetter sur la place du Châtelet. Mais mon cher Canillac, si nous sommes juste au Corbleu, maréchal de Richelieu, Trumeau, Pompadour, Dubarry, Rouet et tout ce qu'il y a de plus 18e siècle, nous n'avons plus de lieutenant de police.